Quand pour ceux qui passent et qui passent et qui passent, dans les grandes surfaces, un jour répond surface dans les supermarchés. Ça devient supermarché. La tête de gondole dans les papiers des spécasteurs roule avec celle de Bodilon du soupier des escalators. Roule avec celle de Bodilon. Ils ont plus grand envie quand je pars. Je chante le produit de mes vols de nuit. Je chante à la télé, à qui nous vient l'entendre. Moi qui suis arrêté. Je chante ce qui passe et qui passe et qui passe. J'y vais ou j'y vais pas, que le diable m'emporte. J'y vais et on verra. Je chante le produit de mes vols de nuit. Je chante dans le poste à qui le vient m'emporte. Moi qui suis arrêté. Je chante pour ceux qui passent et qui passent et qui passent et qui deviennent. Un jour on va se battre dans les supermarchés. Ça va être le supermarché. Je chante pour ceux qui passent et qui passent et qui passent. Pour les meilleurs de nuit. Est-ce qu'il y a des meilleurs de nuit? Est-ce qu'il y a des meilleurs de toute la nuit? De toute la nuit.